histoire particulière. C'est un chapitre de notre histoire que peu de Français connaissent. 45 000 personnes atteintes de maladies mentales sont mortes de dénutrition dans les asiles français pendant la guerre. Une réalité passée sous silence, particulièrement dérangeante. Des hôpitaux psychiatriques comme celui du Vinatier, Clermont ou Mondevergue ont été le théâtre de ce que l'on appelait l'extermination douce. Tel sera le destin de Camille Claudel, internée à Mondevergue depuis 1913, visitée de loin en loin par son frère Paul et finalement morte en 1943, affamée et seule, comme tant d'autres dans toute la France. Aujourd'hui, Hélène Dely et François Test vous racontent l'histoire d'un autre asile, un lieu à part, original, qui hébergea pendant la guerre un couple mystérieux et très amoureux dont l'identité va vous être révélée maintenant si vous écoutez ce premier épisode. Saint-Alban, un lieu d'hospitalité. Par Hélène Dely et François Test. Aujourd'hui, un asile à l'abri de la folie du monde. Didier Deninx, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de Caché dans la maison des fous, paru aux éditions Bruno Doucet en 2015. C'est un roman qui retrace l'histoire vraie de l'hôpital de Saint-Alban pendant la Seconde Guerre mondiale. À quoi ressemble Saint-Alban en 1940, quand François Toscaïès arrive à l'hôpital de Saint-Alban? C'est un endroit assez rude, hein, comme paysage. C'est à 1000 mètres de hauteur, il y fait extrêmement froid. Et c'était ce qu'on appelait un asile, c'était l'asile du département de la Lozère. Et c'est, il y avait toutes les traces du siècle d'avant, du 18e, 19e siècle, comme ça. Et c'est le tout début d'une modernisation, c'est-à-dire des choses extrêmement simples, c'est-à-dire mettre le chauffage, mettre des toilettes, faire de timides formations pour des infirmiers. Donc on arrive là dans une rue qui monte à l'hôpital psychiatrique, qui est la rue de l'Enfer. Et donc toutes les choses sont dites de cette manière. Et puis c'est un village extrêmement minéral, dans une région extrêmement pauvre, extrêmement aride, principalement paysanne. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban sur Limagnole, en Lozère, s'élève au milieu de la Margeride, balayée par des vents puissants, que l'on appelle les tourmentes. À l'époque, l'asile est un village dans le village. Il emploie une grande partie des quelques 2000 habitants de Saint-Alban et abrite des fous de toute la région, mais pas seulement. Entre 1940 et 1944, des juifs, des résistants, des artistes vont s'y cacher. Parmi eux, un grand poète et résistant, Eugène Grindel, alias Paul Éluard, accompagné de Nouche, sa seconde épouse. Leur salut, ces réfugiés le doivent à deux médecins hors normes, les psychiatres Lucien Bonafé et François Toscaïès. C'est grâce à eux que l'hôpital de Saint-Alban va devenir un lieu à part, engagé dans la résistance, mais aussi dans une révolution psychiatrique que l'on appellera bientôt psychothérapie institutionnelle. Il s'agit là de soigner les malades autant que de soigner l'institution, c'est-à-dire l'hôpital. De faire en sorte que les activités les plus anodines en apparence deviennent thérapeutiques. J'ai plus des jambes de l'état. Claude Gasque, ancien infirmier. À la retraite, voilà. Et vous êtes né à l'hôpital? Je suis né à l'hôpital, dans l'hôpital même. Mes parents étaient concierges, alors je suis né à la conciergerie. En 1935. En 1935. Quels souvenirs vous gardez de cette enfance à l'hôpital? Mes premiers copains, c'était les malades quand même. Parce qu'ils venaient à la conciergerie voir mes parents, et avant, ils me prenaient sur les genoux, ils me gardaient et tout ça, quand j'étais tout petit quand même. Vous n'avez jamais eu, comme on dit, peur des patients? Ah non. J'y faisais attention quand même. Tout le monde n'était pas fou. Il y avait des petits fous, mais il n'y avait pas des grands. Dans nos villages ici, il y avait l'innocent du village, qui aujourd'hui existe encore, hein, mais qui sont placés dans les maisons d'accueil, d'un côté ou de l'autre. Là, à l'époque, ils ne venaient que l'hôpital psychiatrique. Ils venaient là, et c'est pour ça que, je vous dis, ils sont restés des fois 30 ans. Aujourd'hui, ils ne seraient pas hospitalisés. les parents ne pouvaient pas le garder ou ils ne voulaient pas le garder, alors ils l'envoyaient à Saint-Albin. Mireille Gauzy, vous avez grandi au sein de l'hôpital, vous avez aussi travaillé dans cet hôpital. Oui, j'ai travaillé à partir de 86 dans cet hôpital comme éducatrice. Mireille Gauzy, on est devant le château, qui est donc le château de Saint-Alban, qui fait partie de l'hôpital. Quelle fonction il avait dans l'hôpital, ce château ? Le château, c'est le premier lieu d'asile qui a été ouvert par Hilarion Tissot, un ecclésiastique assez atypique, parce qu'il avait effectivement souffert lui-même de la folie et il avait été 5 ans à Charenton. Puis, grâce à la congrégation de Saint-Jean-de-Dieu, il a fondé cet asile en 1821. Voilà. Et donc les femmes qui étaient dans la tour des pénitents à Mende ont été hébergées dans ce premier lieu. Voilà. C'est vrai que symboliquement c'est intéressant par rapport au fait que cet homme-là ait connu la folie et aussi ait connu, je pense, les idées de Poussin et de Pinel. Didier Deninx, il y a une espèce de légende autour de l'hôpital de Saint-Alban. On a voulu en faire vraiment un lieu d'exception. En quoi l'histoire de l'hôpital de Saint-Alban, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, elle est quand même particulière ? La particularité, c'est la conjonction de destins individuels. C'est-à-dire qu'il y a cet hôpital qui est marqué déjà par la présence de quelqu'un qui s'appelait Dubuisson, qui était le grand-père de quelqu'un qui va devenir directeur, qui est Lucien Bonafé, et qui s'intéressait aux productions artistiques des malades, et qui communiquait avec son administration, avec des vers de Mirliton, tellement il supportait pas la hiérarchie, et je les ai lus, c'est cocasse. Et puis il y a son petit-fils, Lucien Bonafé, qui va arriver là, et puis il y a une deuxième personne qui va arriver d'Espagne, qui est un personnage absolument incroyable, aussi, qui était en Espagne au parti ouvrier d'unité marxiste, des anarchistes marxistes, mais qui était surtout intéressé par la psychanalyse, psychiatre, qui lisait Lacan dans le texte, et qui arrive, après une expérience absolument incroyable, d'avoir inventé les unités de soins psychiatriques sur le front pour les armées républicaines. Donc il y a ce personnage-là qui était en camp de concentration. Personnage dont on n'a pas encore dit le nom. Ah oui, il faut le réserver, Toscaïès. Et donc François Toscaïès, Francesque, c'est son nom catalan. Et puis il va se retrouver avec quelqu'un qui est un militant communiste, qui est Lucien Bonafé, le directeur, qui a refusé un poste extrêmement important en région parisienne, tout simplement parce qu'il était déjà rentré dans la résistance et qu'il a échangé un poste important pour se mettre complètement à l'abri dans un hôpital de 5e zone, qui était Saint-Alban sur Limagnol. Mais c'était un geste politique aussi. Et là, on a ce Lucien Bonafé, qui est aussi quelqu'un de très particulier, c'est-à-dire c'est un créateur de ciné-club, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément au jazz, qui a fréquenté les surréalistes, Breton, Tanguy, tout un tas de cinéastes et tout. Donc on a un personnage comme ça et qui est communiste, hein, une sorte de communiste surréaliste. Et en même temps, comme ce sont des intellectuels, des gens qui se sont frottés à toutes les formes artistiques, ben, ils vont faire un théâtre, ils vont faire un ciné-club, ils vont faire une bibliothèque accessible à tous. C'est quand même exceptionnel ce qui se passe en quelques années. Et surtout, je crois que le côté légendaire, c'est que ça se passe dans la pire des nuits pour le monde. D'un seul coup, il y a des gens qui, dans un moment de l'histoire où on lâche la rampe, quoi, et tout, eux, au contraire, ils inventent. Marie-Rose Ouraba, vous êtes la fille aînée de François Toscaïès. Oui. Vous êtes née en 1936. En 1940, votre père arrive à Saint-Alban. Est-ce que vous avez encore des souvenirs, des premières impressions que vous avez eues en arrivant ? Oui. J'avais été souffrante et mon père a dit qu'on allait me passer une radiographie. Je ne savais pas ce que c'était une radio. On est descendu avec mon père jusqu'au service qui s'appelait la terrasse. Et puis, dans un escalier, j'ai vu une femme squelettique qui était assise sur les marches de l'escalier. Elle a étendu la main vers moi et je me suis reculée bien vite contre mon père pour fuir cette main qui se tendait vers moi. Quelques jours plus tard, il s'est présenté chez nous, à la petite maison, il s'est présenté une furie en camisolée, accompagnée de deux infirmières. Et mon père a dit, « Madame, si vous permettez, ma fille et moi, on va vous détacher les liens. Et si vous le voulez, vous pourriez travailler avec auprès de ma femme. Elle vous indiquera les activités à faire dans la maison. » Donc avec mon père, on a déficelé la camisole de force. Et cette femme-là, cette furie, ben c'était le squelette que j'avais trouvé dans l'escalier qui avait tendu la main vers moi en souriant, mais qui j'avais eu la trouille. Tous les matins, elle venait en camisole de force parce qu'elle entendait des voix. Et elle se rebiffait contre ces voix qui l'insultaient. Elle répondait pareil. Mais petit à petit, elle est venue sans camisole de force et elle est venue sans infirmière. Elle a fait partie de notre vie pendant 18 ans, je peux dire, jusqu'à son décès. Vous vous souvenez de son prénom ? Christine. Quand on lui demandait comment elle s'appelait, elle disait « Christine la désolée ». C'est pour ça que j'ai compris qu'une personne pouvait être délirante, mais elle n'en était pas moins humaine. Et je lui dois beaucoup. Didier Deninx, Saint-Alban va être un lieu de passage, un lieu de refuge pour des résistants, pour des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça que vous démarrez, vous, votre récit, oui. Caché dans la Maison des Fous. Ce récit, il débute avec l'arrivée de Denise Glaser à Saint-Alban. Ben oui, Saint-Alban, ça a été un asile. Et d'un seul coup, c'est un endroit qui a vraiment fonctionné comme un asile, quand on dit le droit d'asile. Hein, et c'est plus du tout la même chose, c'est plus la stigmatisation des gens différents. D'une certaine manière, c'était le seul endroit où on pouvait se mettre à l'abri de la folie du monde. Et donc, il y a vraiment ça qui se joue. Et comme Bonafé est résistant, Toscaïès est combattant dans l'âme, ils vont faire en sorte que cet endroit soit le réceptacle de tout un tas de détresse. Et donc, il y a pas mal de scientifiques juifs qui arrivent, des psychiatres, mais aussi des biologistes et tout, qui sont voués à la mort dans les chambres à gaz et qui vont trouver le chemin de Saint-Alban par toute une série de filières. Mais on parle de plusieurs dizaines de personnes. Il y a d'autres personnes comme le philosophe Kant Guillem qui va arriver et qui lui, à partir de Saint-Alban, va aller dans les maquis à proximité, le maquis du Mont Mouchet, et qui va combattre les armes à la main. Et puis par une autre filière, il y a une jeune femme qui arrive, et cette jeune femme s'appelle Denise Glaser, et elle deviendra immensément célèbre dans les années 70 avec une émission qui s'appelait Discorama à la télévision. Et puis Paul Éluard qui a commis l'imprudence de signer, alors qu'il utilise pas mal de faux noms, de pseudonymes, il a signé Liberté, son poème Liberté, de son propre nom. Et ce poème Liberté est diffusé partout, mais il est surtout diffusé par l'aviation anglaise. Quand elle livre des armes par parachutage, dans les containers, il y a des milliers d'exemplaires de Liberté signés Paul Éluard. Et donc sa vie est véritablement en danger et il va trouver refuge lui aussi à Saint-Alban. Paul Éluard. J'ai écrit Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Marie Bonafé, vous êtes psychiatre, psychanalyste. Vous êtes née en 1935. Vous êtes la fille unique de Jeanne et Lucien Bonafé. Quand Paul Éluard vient se réfugier à Saint-Alban, vous avez 7 ans. Est-ce que vous avez des souvenirs de lui et de Nouche ? Tout à fait, oui, oui, oui. Alors, d'ailleurs, les autres, mes parents, c'était des gens très jeunes, très occupés. Paul était plus mûr, plus âgé, et il adorait les enfants. Et donc, alors moi, je perdais beaucoup d'affaires pour attirer l'attention des... J'avais toujours perdu quelque chose. Alors, cherche, tu te trouveras. Enfin bon, les adultes au-dessus de ça, mon père très occupé. Et j'ai un souvenir de Paul, de dos à quatre pattes, dont je vois le pantalon, là, enfin les fesses, pour tout dire. Il regarde sous les meubles avec moi pour trouver ce que j'ai perdu. Très attentif. Puis il m'écoutait beaucoup. Par exemple, L'enfant du métro, c'était une lecture que nous aimions beaucoup. Cet enfant était né dans le métro, il n'en était jamais sorti. Alors il y a le géant Pelleport, ils vont retrouver la muette, qui est une dame assez imposante, qui a été kidnappée, etc. etc. L'enfer Rochereau, c'est des diablotins sur un rocher, etc. Donc il s'intéressait à mes lectures, à mes occupations. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'ai écrit ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Paul-Édouard et Nouche, son épouse, sont restés 4 mois. Et pendant 4 mois, ils ont partagé une part des repas, des rencontres. Et Paul-Édouard qui était totalement sensibilisé, lui, depuis plusieurs dizaines d'années, au problème de la maladie mentale. Et son premier poème publié, ça s'appelle « Le fou parle ». Hein, ça fait l'ouverture de la Pléiade qui est consacrée à Paul-Édouard, mais surtout c'est juste après la guerre, en 21-22, il y a une très grande amitié avec un ex-soldat allemand qui s'appelait Max Ernst, qui lui avait fait dans les années 10 pas mal de séjours de travail dans les hôpitaux psychiatriques, donc c'était un domaine d'intérêt très très important. Ensuite, les surréalistes, avec l'écriture automatique, il y a véritablement une manière de frôler les précipices, comme ça, les abysses, avec un personnage qui est un grand ami de Paul-Édouard, qui se met en danger, mentalement, qui est Robert Desnos. Paul-Édouard et Robert Desnos vont écrire des textes ensemble sur la folie. Ce sont des choses sur lesquelles ils travaillent. Mon père rectifiait tout le temps. Oh, ils disent surréaliste, des mots drôles, etc. Mais c'est pas ça, c'est la révolution surréaliste. C'est une autre conception. Et c'est l'égalité devant le rêve et l'importance du rêve. Et toutes les poésies de Breton, de Paul-Éluard, surtout, montrent que cette égalité du monde devant le rêve. Et à Saint-Alban, Paul-Éluard va découvrir la parenté, la proximité des délires, des psychotiques avec le rêve. Et là, il va le voir de très près, puisqu'il va dans les services. Voilà. Et donc, le surréaliste, pour mon père, a toujours été, jusqu'à sa mort, il est resté surréaliste de cette façon, on est égal devant le rêve et l'égalité foncière de tous les êtres. L'égalité des sexes, l'égalité des femmes, l'égalité des classes sociales, l'égalité des peuples, et l'égalité des enfants, vraiment imprégnée de cette égalité foncière d'esprit humain. Marie Bonafé, je voudrais qu'on écoute ensemble votre père, Lucien Bonafé, évoquer le passage de Paul-Éluard à Saint-Alban. C'est un extrait d'un documentaire sur Paul-Éluard diffusé en 1964. Cette vie dans la familiarité des fous, comme personnes proches que l'on voit, que l'on entend, avec lesquelles on vit, avec lesquelles on brasse l'existence quotidienne. Il y a réagi d'une façon absolument admirable pour nous et qui nous a servi considérablement. Ce pouvoir de compréhension illimité est principalement porté en direction des plus déshérités parmi les hommes, l'a mis en mesure, l'a mis en condition de vivre le problème de la folie avec toute la profondeur dont il était capable vis-à-vis de l'étranger, de l'être humain rejeté. C'est ainsi que les textes qu'il a donnés dans les souvenirs de la Maison des Fous sur les malades mentaux sont des textes qui, du point de vue de notre technique, du point de vue de notre science psychiatrique, sont d'extraordinaire authenticité. Je pleure et l'on en rit. Ma souffrance est souillée et le mur du regret cerne mon existence. Voilà un portrait de malade fait par lui. Là, Éluard fait rentrer dans la parole poétique les paroles des délires des femmes. Folles, psychotiques, qu'il côtoie. Madeleine Servin, il va la voir souvent, il parle souvent avec elle. Elle mélange la réalité avec ses délires, tout le temps. Il va faire rentrer ce langage délirant qu'on n'entend pas de cette façon. Il va le faire rentrer là aussi dans l'égalité des humains, l'anti-eugénisme. Ce ne sont pas des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues, c'est des vies qui enrichissent la poésie et notre vie. Mireille Gozzi, combien est-ce qu'il y avait de patients à l'hôpital de Saint-Alban pendant la Seconde Guerre mondiale ? Avant l'automne 39, il y avait environ 600 personnes qui étaient hospitalisées ici. Il s'est trouvé qu'à l'automne 39, donc il y a des patients de Rouffach en Alsace et les patients de Villers-Évrard qui ont été adressés ici, comme dans d'autres hôpitaux du sud de la France, en zone libre, en zone nono, disait Bonafé. Donc ils ont été ici sur cet espace-là. Et il y en a eu 246 personnes qui sont venues s'ajouter déjà au 600 personnes hospitalisées. On a dit pendant un temps qu'il n'y avait pas eu de mort de la faim et de malnutrition à Saint-Alban pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, il y a quand même eu des morts pendant cette période-là à l'hôpital de Saint-Alban. Oui, si on prend effectivement les rapports médicaux et administratifs, il y a effectivement une surmortalité à cette époque qui est vraiment très infime par rapport à ce qui s'est passé dans beaucoup d'hôpitaux, parce que les gens ici, enfin les médecins en particulier, ont effectivement joué un maximum pour trouver des subterfuges pour arriver à nourrir et à partager ce qu'il y avait de disponible au niveau nourriture. Au début de la guerre, dans les hôpitaux psychiatriques français, on a 90 000 patients. À la fin de la guerre, il y en a 45 000 qui ont disparu, un sur deux. Et on a des narrations absolument apocalyptiques de ce qui s'est passé dans certains gros hôpitaux en région parisienne et tout, où les gens mangeaient leurs propres doigts, mangeaient leurs propres mains, où la seule ration qu'il y avait, c'était de déterrer des racines, de manger des insectes, de brouter l'herbe et tout et tout. C'est ce qui s'est véritablement passé. Les grands noms, Camille Claudel, elle est morte pendant la guerre dans les hôpitaux psychiatriques, mais elle est morte de faim. À Saint-Alban, par exemple, ils se sont aperçus que les directives de Vichy ont suspendu le rationnement des malades si jamais il y avait une épidémie de typhus ou de tuberculose. Ils ont inventé des épidémies. Et d'un seul coup, ils déclaraient une épidémie. Et l'administration suivait, on rétablissait les rations pleines et entières et tout. Ils n'ont pas eu de problème, les malades n'ont pas eu de problème, parce qu'il y avait une ferme, une ferme importante, qui est le Villaret, c'est à 2 kilomètres de là, d'ici, et il y avait des grands champs de pommes de terre, il y avait une trentaine de porcs, de cochons, il y avait un abattoir, ils abattaient, et non, ils ont pas... Et puis en plus, à l'automne, ils prenaient des groupes de malades, ils partaient ramasser les champignons, et quand ils arrivaient, les religieuses qui étaient aux cuisines les triaient, et ils ont pas crevé de faim, disons. Voilà. Marie-Rose Ouvraba, à la fin de la guerre, je crois que l'hôpital de Saint-Alban échappe quand même de peu à l'arrivée des Allemands. En 1944, les Allemands, l'avancée des Allemands, enfin, Les Allemands étaient annoncés. Ils devaient arriver à Saint-Alban. Ils revenaient de Mende, ils remontaient la route vers Saint-Alban. Et votre père, je crois, François Toscaillès, avait fait l'objet d'un signalement, c'est ça, au renseignement général? Il n'était pas seul à avoir été dénoncé, hein, parce qu'il y avait eu des dénonciations que des blessés, des maquisards étaient cachés à l'hôpital. Donc, les Allemands étaient annoncés. Mais les Allemands ne sont pas passés à Saint-Alban. Pour une raison bien simple, ils ont suivi la route nationale. Saint-Alban est sur une route départementale. S'ils avaient suivi la route départementale, on était cuit. Mais comme ils ont suivi la route nationale, quelle bonne idée ils ont eue, on a échappé au massacre. Joseph et Juliette Pradin. Je garde le souvenir d'un infirmier qui était beaucoup plus âgé que moi et qui travaillait à l'hôpital et qui avait connu cette époque, qui avait soigné des personnages. Lazare et tout ça. Qui avait soigné des. La femme de Paul Éluard, et il y en avait d'autres, mais. Ils étaient venus là-haut se réfugier et ils passaient pour des malades mentaux. Et alors, quand la guerre s'est terminée, il y en a un qui s'avance et qui lui dit, eh bien, monsieur Berthuis, on va vous quitter parce que la guerre est finie et on rentre chez nous. Alors, lui, il lui dit, mais c'est pas possible. C'est pas. Eh bien, il lui a dit, ici, on était venu se réfugier ici pendant quelque temps et on n'a que des éloges à vous faire du travail que vous faites à l'hôpital. Allez, au revoir, merci et bonne carrière. Eh bien, il m'a raconté, il me disait, moi, ça m'avait sidéré de voir ces. Alors qu'on les prenait, et il y avait même quelquefois qu'ils savaient délirer, comme les malades. C'était Saint-Alban, un lieu d'hospitalité. Avec Marie Bonafé, Marie-Rose Ouraba, Didier Deninx, Mireille Gauzy, Juliette et Joseph Pradin, et Claude Gasque. Merci à Gérard Olive, Martine Der, Claire Sarti, Jacques Toscaillas et Sophie Legrain des éditions Dune. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire d'Hélène Delis et François Teste.